Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et changeons de sujet radicalement pour entrer dans le domaine de la thérapie génique, un domaine qui semble faire de grands pas en ce moment, comme par exemple avec ce patient américain atteint d'une maladie génétique rare et qui a été traité in vivo par une nouvelle approche de thérapie génique. On en voit les détails avec François. Oui, alors Valérie, tu te souviens, en 2015, avec Jean-Daniel Doucet qui était chroniqueur à Futur Simple, il nous avait parlé d'une découverte révolutionnaire. Des chercheurs avaient réussi à mettre au point une technique simple et peu coûteuse qui permettait de faire de l'édition génétique avec un outil appelé le CRISPR-Cas9. Je me souviens de cette chronique. Oui, moi aussi, c'était en décembre, effectivement, il y a 2 ans. Et avec cet outil, les chercheurs pouvaient désormais jouer dans le génome des cellules et le modifier précisément comme ils le voulaient. Alors, il y a 2 ans, lorsqu'on a mis au point cette technique, les chercheurs faisaient des tests sur des bactéries, des animaux ou sur des embryons humains non viables pour des raisons éthiques évidentes. Ouais. Alors, voilà que tout récemment, des chercheurs ont procédé à de l'édition génétique directement dans l'organisme d'un patient âgé de 44 ans aux États-Unis dans le cadre d'un essai clinique expérimental. Alors, c'est donc la première fois qu'une telle technique est testée directement dans un organisme humain vivant et non pas sur des cellules hôtes réinjectées dans un humain par la suite. C'est ça, c'est quand même une différence majeure. Là, on intervient directement sur le patient lui-même. Exactement. Mais pour quelle raison, en fait, on a pratiqué la technique directement sur cet être humain? Pourquoi? C'est parce que cette personne souffre d'une maladie génétique rare et incurable. Elle s'appelle la mucopolysaccharidose de type 2, qu'on appelle communément la maladie de Hunter. Et comme il s'agit d'une maladie génétique, il faut intervenir directement dans le génome de la personne pour guérir la maladie, soit en réparant directement la partie défectueuse du gène présent, ou soit en insérant un nouveau gène qui serait fonctionnel, qui va faire le travail que le gène défectueux n'arrivait pas à faire. D'accord. Et en fait, c'est quoi cette maladie? Quels en sont les symptômes? Alors, c'est une maladie qui fait que les personnes atteintes ne produisent pas une enzyme particulière qui sert à détruire des sucres de grande taille qu'on appelle les mucopolysaccharides. Alors, lorsqu'ils ne sont pas détruits, les mucopolysaccharides vont s'accumuler dans les cellules des os, des oreilles, des poumons, du cœur, etc. Et les personnes atteintes vont éventuellement développer des problèmes de surdité, de l'arthrose, des problèmes cardiaques. Alors, le patient américain a subi à ce jour plus de 26 opérations chirurgicales pour traiter les différents problèmes de santé causés par cette maladie. Donc, on voit effectivement que ça cause vraiment des problèmes graves. Oui, c'est embarrassant comme maladie. Effectivement. Alors, si la thérapie génique fonctionne, mais ça va littéralement changer sa vie. Et en passant, l'incidence de cette maladie génétique est de un garçon sur 100 000. D'accord. Donc, c'est quand même assez rare, effectivement. Et donc, là, tu dis que le patient a subi 26 opérations chirurgicales. Donc, est-ce qu'il y a des traitements, à part ces opérations chirurgicales, est-ce qu'il y a des traitements pour soulager les patients, les gens atteints de cette maladie? Il existe un traitement qui consiste à injecter dans le sang du patient une enzyme de substitution, ce qui diminue l'intensité des symptômes, mais qui ne guérit pas la maladie. C'est ça, ça guérit pas la cause, ça guérit pas le gène. C'est ça, ça guérit pas le gène, ça corrige pas le gène. Ça met dans le corps ce que le gène n'arrive pas à fabriquer. Exactement, ça met à peu près dans le corps, c'est ça. Donc, alors cette enzyme ne pourra pas, par exemple, réparer les dommages déjà causés par la maladie, et surtout, ça arrêtera pas la progression des dommages causés au cerveau. D'accord. De plus, l'enzyme de substitution peut coûter entre 100 et 400 000 dollars américains par année. Donc, ah oui, c'est vraiment pas négligeable. C'est pas tous les Américains qui vont pouvoir se permettre ça. Oui. Et comment on va revenons-en à cette technique de thérapie génique qui a été effectuée directement sur le patient lui-même. Comment est-ce qu'on utilise cette technique-là? Comment que ça s'est passé? Comment on opère le patient? Bon, alors, pour traiter la maladie de façon permanente, comme je disais, il faudrait arriver à transplanter le gène manquant dans le corps du patient afin qu'il puisse produire l'enzyme manquante et en quantité suffisante. Alors, cette opération a été effectuée plus tôt cette semaine. Les chercheurs ont injecté au patient américain de nombreuses copies du virus AAV, qui est en fait simplement un vecteur viral, dans les cellules pour, en fait, dans le but de cibler et d'infecter les cellules du foie spécifiquement, afin d'y introduire un outil d'édition génétique et le gène correcteur. Alors, l'outil d'édition génétique n'était pas le CRISPR-Cas9 dont on a déjà parlé, mais plutôt un autre qu'on appelle la nucléase à doigt de zinc. Donc, autrement dit, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un virus qui est un peu comme une capsule spatiale dans laquelle on met l'outil correcteur et le nouveau gène à intégrer, et on injecte ça dans le foie, et on sait que le virus est programmé pour aller attaquer les cellules du foie. Donc, c'est là, effectivement, qu'il va insérer l'outil correcteur dans les cellules du foie ainsi que le nouveau gène réparateur. Alors, la nucléase de doigt de zinc se lie à l'ADN de la cellule et le coupe à un endroit bien précis. En utilisant le processus naturel de réparation de l'ADN, la cellule insère le gène correcteur à cet endroit, et cette technique a pour avantage de ne pas insérer le gène au hasard dans le génome, mais vraiment à une place vraiment bien précise. Alors, d'après les chercheurs, il ne suffirait que d'un seul pourcent de toutes les cellules du foie reçoivent une copie du gène correcteur pour produire suffisamment d'enzymes pour enrayer la maladie génétique dont souffre le patient américain. Alors, le patient a reçu le traitement lundi, le 13 novembre dernier. Le médecin qui suit cet essai clinique a affirmé qu'il avait quitté l'hôpital mardi sans de problème particulier. Oui, j'imagine qu'il va y avoir un suivi pour voir si le traitement va fonctionner. Est-ce qu'on sait s'il y a de bonnes chances que ça fonctionne? Et puis, s'il y a des risques associés à ce traitement-là? C'est une très bonne question parce que lors d'expériences précédentes, des chercheurs ont prélevé des cellules immunitaires humaines pour opérer des changements génétiques en elles et dans le but de leur donner la capacité d'attaquer des tumeurs cancéreuses du poumon une fois réinjectées chez les patients. Et on dit que cette technique-là aurait marché. Donc, effectivement, je pense qu'il y a un certain potentiel de réussite. Mais comme dans toute chose, il y a des risques. Surtout que c'est quand même un essai clinique, c'est quand même nouveau. Donc... Tout à fait, c'est une première. Et ce qui distingue la thérapie génique des autres traitements, bien, c'est le fait qu'elle est irréversible. Une fois qu'on a inséré un gène dans l'ADN d'une personne, il sera toujours là, on ne peut pas l'enlever. Mais en tant qu'essai clinique approuvé, le traitement a fait l'objet de nombreux tests rigoureux pour le rendre le plus sécuritaire possible. Par exemple, le virus qui sert de vecteur de transmission est modifié de façon telle qu'il ne peut pas rentrer dans un spermatozoïde ou dans un ovule afin d'éviter que le gène soit inséré ou transmis à la prochaine génération si le patient venait à avoir des enfants par après. Et en plus, ben, il n'y a aucune garantie que le traitement va fonctionner. Et dans le passé, certains essais se sont mal terminés. Des outils d'édition ont copié des gènes au bon endroit, mais simultanément à des endroits inappropriés, ce qui a causé des torts finalement aux patients qui ont subi ces traitements. Pas forcément pour la même maladie, traitements de thérapie génique. Exactement, qui se sont faits dans le passé. Mais il semblerait que la nucléase au doigt de zinc et le CRISPR-Cas9 sembleraient des outils qui sont très fiables. On dit que les deux outils d'édition génétique ont la capacité de localiser avec précision l'endroit dans la longue chaîne d'ADN constituée de plus de 3 milliards de lettres où il faut faire une entaille dans le génome pour insérer le gène correcteur et que le système de réparation des gènes de l'organisme qui va se charger de l'insérer là où l'entaille a été faite. Et si le traitement sur ce patient américain fonctionne, j'imagine qu'il y aurait certains espoirs pour d'autres patients, peut-être. Il y aura des conséquences intéressantes pour d'autres patients, peut-être d'autres maladies. C'est certain. Dans le monde, il y aurait pas plus de 10 000 personnes aux prises avec la même maladie, car beaucoup de personnes n'ont pas eu la chance d'atteindre l'âge adulte des personnes qui étaient atteintes de cette maladie-là. Si le traitement sur le patient américain est un succès, beaucoup d'enfants atteints de la maladie pourront être traités de la même manière et avoir une vie qui sera normale. Et si le traitement est un succès, ben ça va booster ce genre de thérapie pour traiter des maladies d'origine génétique qui sont incurables pour l'instant. Alors, dans un mois, nous saurons si le traitement sur le patient américain a fonctionné. En fait, cela pourrait prendre jusqu'à 3 mois pour en être certain. Alors, on va certainement en entendre parler. Très probablement. Puis d'ailleurs, ce n'est pas la seule avancée en thérapie génique des dernières semaines. On fait le point justement tout à l'heure, après la pause publicitaire, sur la thérapie génique avec le professeur Bruno Gaillet. Mais pour l'instant, on passe en petite pause musicale, puis publicitaire sur CKRL au 89.1.